La petite gamine aux yeux si bleus couleur de ciel, elle est à moi. Je l'ai dans quand je souris qui soudain elle s'enfuit. Je sais bien qu'au lendemain il viendra quand il s'ennuie. La petite camine aux cheveux blonds que l'heure de place qui pleure là-bas. La petite camine aux yeux si bleus que l'heure de ciel est à moi. Mais je sais, j'ai tout perdu, je suis seule que l'on enfant. Car un jour, il est parti comme une feuille portée par le vent. Petite camine, je suis bleu, couleur de ciel, elle est à moi.